Saw the walls closing in like a bad dream. But there goes a magic wand, and I'm taken to a place where the wind blows strong, and the echoes of your voice amaze me. It seems like time disappears in the face of a bright blue sky. It seems like time disappears in the face of a bright blue sky. Times you believe that home will be home one of these days. It's a lesson I refused to learn till a fire broke out and the wheel turned. That home is anywhere you're not afraid. It seems like time disappears in the face of a bright blue sky. It seems like time disappears in the face of a bright blue sky. Appears in the face of a bright blue sky. It seems like time disappears in the face of a bright blue sky. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de La Croisière Folk, l'émission qui vous transporte dans un océan de mélodies envoûtantes et de rythmes ensorcelants. Aujourd'hui, nous hissons les voiles et embarquons pour une aventure musicale absolument unique, où chaque note est une perle rare et chaque chanson, une étoile scintillante sur la mer de la créativité. Cette semaine, notre croisière prend une tournure encore plus extraordinaire, car nous avons décidé de célébrer les sirènes du folk, les artistes féminines. Oui, vous avez bien entendu, c'est une véritable régate de talents féminins qui nous attend. Préparez-vous à être ébloui par des voix puissantes, des guitares magiques et des harmonies célestes. Les hommes restent à quai, et les femmes prennent le gouvernail. Attachez vos ceintures de sauvetage et préparez-vous à être secoués par des vagues de génie musical. Qui a dit que les fans ne savaient pas naviguer en haute mer? Elles vont prouver qu'elles peuvent non seulement naviguer, mais aussi faire chavirer nos cœurs avec leur art. Alors, mettez vos maillots de bain et vos gilets de sauvetage, car cette croisière va être inoubliable. C'est parti pour la croisière folk spéciale artiste féminine. À vos marques, prêts, naviguez. Et c'est avec Rose Greenwood que nous avons démarré cette croisière folk et la chanson Bright Blue Sky. C'est encore une de ces artistes qui se produit pour The Narrow Boat Session, cette chaîne YouTube que vous ne manquerez pas de découvrir. Alors Rose Greenwood, eh bien, c'est une musicienne professionnelle avec plus de 20 ans d'expérience. Elle a participé à de nombreux festivals, multi-instrumentiste. Elle maîtrise la guitare, la basse, la clarinette et le piano. La chanson Bright Blue Sky est inspirée par une belle journée d'été, passé dans la carrière de Stackhead près de Rosendale dans le comté du Lancashire, qui est situé au nord-ouest de l'Angleterre. C'est là qu'elle réside d'ailleurs. Rose a déjà produit 3 albums et vient de sortir son 4e opus, Soul Food. Pour en savoir un petit peu plus, eh bien, n'hésitez pas à visiter sa page Badcamp, rosegreenwood.badcamp.com. Et après elle, il y aura Lori Lewis, Texas Wind, Alison Brown, Mambo Banjo. C'est le 9 août que Compass Records rééditera Simple Pleasure, le premier album d'Alison Brown sorti en 1990. Il faut savoir qu'Alison a écrit toutes les chansons de cet album qui comprend les premières versions enregistrées de certaines de ses compositions les plus connues comme celle qu'on va écouter, Mambo Banjo, et ensuite The Bell of Hoboken, musical Prodigy. Bienvenue, c'est la Croisière Folk. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, eh bien, c'est une spéciale 100% artiste féminin. J'espère que vous appréciez. De toute façon, c'est la Croisière Folk que vous écoutez et vous avez bien raison de le faire. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. There's no shelter from the rain that's carried on the Texas wind. It comes whistling off the plain, reminding me of you again. And I remember when we were lifted by that wind, like two upon the wind, ever higher we'd ascend, two skylarks in the spring. We two were one when we would sing. Oh, will the Texas wind said goodbye to you? I only ever said so long. For so long now my heart's been true to the memory of a song. The melody's so sweet and strong. Oh, Texas wind, sing you home to me again. Texas wind. La croisière folk. To boldly go where no one has gone before. I put up with what you dish out. I don't know, 'cause you sure don't put out very much. I'm a woman who merely once loved you so dearly that I yearn for your least little touch. You're a musical prodigy, shining star, but I see what an emotional midget you are. Yet there's two special times when you still knock me dead. When you're playing the piano and when we're in bed. La la la la, la la la la la la. It was 2 years ago that I first heard you play, and I knew that you had to be mine. Left my family and friends, and I moved to New York, where I thought things would work out just fine. But the musical prodigy stayed a child, and I know I should leave you, but it's driving me wild. 'Cause although you're a rookie at real honesty, you're an expert at two kinds of sweet harmony. La la la la, la la la la la. I've decided it's best if I packed up and left, and perhaps I'll find somebody new. But with or without a new love in my life, I'll be much better off without you. So musical prodigy, play right on, and someday when the radio's playing your song, I'll remember the time when you once moved me so in the bedroom and at the piano. À l'instant dans la croisière folle, The Belle of Hoboken avec Musical Prodigy, et tout de suite voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et dans 1, 2, 3 d'aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire découvrir l'album Plastic Flowers de Nicole Wagner. C'est son dernier album. C'est un album qui mélange du folk assez doux, de la power pop, du rock et un soupçon d'Americana. Ça reflète ainsi sa carrière jusqu'à présent. Il y a 10 ans, elle a quitté le Colorado pour la scène musicale d'Austin, perfectionnant son style folk lors de soirées open mic avant de développer un son plus robuste. Après un EP et un album, Plastic Flowers capture l'essence de son parcours musical. Wagner a écrit avec sincérité et mélancolie, explorant sa vie, sa famille et ses relations, surtout influencées par la pandémie. Son premier album, Monster, est né au début de la pandémie, période durant laquelle elle a lutté contre ce qu'on pourrait appeler des sentiments indésirables. Raised by Wolves évoque sa neurodivergence et le sentiment de ne pas être normal. La chanson titre parle de sa thérapie et de ses relations passées. Self-défense, une autre chanson de l'album, adopte un tempo élevé et reconnaît qu'une relation est terminée. Les contributions de musiciens comme Justin Douglas et Charlie Pierce ajoutent de la profondeur à des morceaux de cet album comme I Know Better This Time et Away With It. Nicole Wagner donc transmet autant d'émotions dans ses chansons calmes. Une chanson par exemple comme Beauty Where You Find It, coécrite avec Aaron Smith, est décrite comme sa chanson d'amour la plus proche. Road That Jim Built, hommage à son grand-père avec une voix empreinte de chaleur et de tristesse. Plastic Flower assemble et fait évoluer le mélange de folk, pop et rock de Wagner au grand d'autres belles œuvres à venir. Et de cet album, eh bien, nous allons écouter Until the Water Come, Raised by Wolf et Everything. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la la la la la. Dreams that it killed, you know, forever now. naked and without alone. I know what it's like to be on my own. Aujourd'hui dans 1-2-3, eh bien, c'est l'album de Nicole Wagner, Plastic Flower, album, dernier album en date, donc en 2024, Until the Water Come, Raised by Wolf et Everything. C'est les trois chansons qui, je l'espère, vont vous permettre de décider si l'album il va figurer ou pas dans votre discothèque. Alors, maintenant, on va passer à de la poésie. Vous le savez que cette année, on fête le 125e anniversaire de la naissance du poète belge Maurice Carême. Et je vous propose, et j'ai peut-être oublié de vous le préciser avant, que tous les poèmes de Maurice Carême sont lus par l'auteur. Aujourd'hui, c'est Paradis. C'est un poème qu'il a écrit en 1945. Il figure dans son recueil La Lanterne Magique. Alors, c'est un poème qui célèbre la simplicité et la pureté de l'enfance. Maurice Carême, souvent reconnu pour sa capacité à capturer les sentiments et les expériences enfantines, utilise un langage simple et des images claires pour évoquer un monde idéal où règnent l'innocence et la joie. Le poème peut être interprété comme une évocation d'un lieu ou d'un état d'esprit où tout est parfait et paisible, contrastant avec les réalités souvent plus dures de la vie adulte. Et juste après, donc, Paradis de Maurice Carême, on écoutera Asilis Manro, la bretonne, avec Petite Valse bretonne, Lindsay Stroh, Willow Garden et Christina Pato, Mundos Celtas. Si vous avez envie de m'écrire, n'hésitez pas, lacroisierefolk@yahoo.com. Et puis n'oubliez pas non plus, nous avons une page Facebook. Et sachez aussi, j'ai oublié de vous le préciser, que la première chanson qu'on a écoutée dans cette émission, donc Bright Blue Sky de Rose Greenwood, eh bien elle est en vidéo sur notre page Facebook La Croisière Folk. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, la vidéo et également l'artiste, n'hésitez pas, donc La Croisière Folk, page Facebook. Est-ce que vous l'avez déjà liké? Paradis. Pourquoi parler de paradis? Moi, je vous dis qu'il est ici. Il est ici, sur cette terre. Il est ici, dans la lumière qui se fait chair au creux des fruits. Et les anges viennent ici. On les voit passer dans les yeux des enfants, rieurs et ravis d'avoir les mêmes regards qu'eux. On les voit agiter leurs plumes quand ils s'accrochent aux rideaux. Et dès que la lampe s'allume, on les voit jouer au cerceau. Parfois, ils s'assied sur mon toit, et tout un jour, ils restent là, avec leurs ailes en ciseaux, à donner du pain aux moineaux. Ou bien, ils se mettent à table, sans façon, à côté de nous, et si près que nos lourds genoux touchent leurs genoux adorables. Pourquoi parler de paradis? Moi, je vous dis qu'il est ici. Il est ici, dans ma maison, où viennent danser les saisons. Sur les rives de tes fleurs. La Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Thank you. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Dans la minute astuce d'aujourd'hui, on va penser à vous adoucir la gorge avec cette recette de vin de figue à l'ancienne qui est extraite d'un livre paru chez Terre Vivante. Ça s'appelle « 1000 remèdes à faire soi-même ». Et donc, pour faire cette recette de vin de figue à l'ancienne, vous versez 2 litres d'eau bouillante sur 200 g de figues sèches et 3 baies de genévrier écrasées. Laissez fermenter pendant 15 jours. Filtrez, exprimez tout le jus dans un linge propre et mettez en bouteille pour continuer la fermentation encore un mois avant utilisation. Attention, ce vin est très doux. Il faut utiliser un petit verre à Porto 2 ou 3 fois par jour et bye bye le mal de gorge. Voilà, on va poursuivre avec Loire Nalubre, Foliada da Coruña et Émilie Landry. Je mérite mieux. Alors, Émilie Landry qui sera au Festival Interceltique de Lorient le 14 août. Et d'après le site de ce festival, donc festival-interceltique.bzh, Émilie Landry est plus que jamais l'étoile montante acadienne à suivre. Moi, je vous dis, nous, ça fait des années que l'on sait ça dans cette émission, La Croisière Folk. The funky spaceman over here is Mr. Cooper. Que tenga amores, no borre, que no La croisière folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Quand je parle, t'écoutes plus. T'entends ce que tu veux. Ça rentre droit d'une oreille. Puis ça sort tordu. Quand tu me lances tes fleurs. Il vient toujours avec. Quand tu n'as trop sur les épaules, je mérite mieux que ça. Puis je t'aime trop fort pour toujours encaisser. Tu sais, le temps ça vaut de l'or. Puis j'en ai pas à peine. Et voilà, chers auditeurs, notre croisière folk touche à sa fin pour cette semaine spéciale dédiée aux incroyables artistes féminines. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage musical autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Avant de jeter l'ancre, un grand merci à toutes ces talentueuses musiciennes qui ont illuminé notre émission de leur voix et de leur mélodie. Si vous avez manqué un seul instant, pas de panique, vous pouvez toujours réécouter nos podcasts parce que, soyons honnêtes, qui ne voudrait pas revivre cette croisière encore et encore. Et rappelez-vous, mesdames et messieurs, la musique est comme une bonne croisière. Elle vous emmène loin, vous fait rêver, et parfois, elle vous fait même danser sur le pont. Alors, jusqu'à la prochaine aventure musicale, gardez le cap, restez à l'écoute, et surtout, continuez à danser. À bientôt sur la Croisière Folk, où la mer est toujours plus belle en musique. Et pour se dire au revoir, eh bien, c'est Carmento avec Fangos. Carmento, c'est une artiste folk de la Mancha, comme Don Quixote, et qui a commencé sa carrière artistique en 2012, lorsqu'elle a décidé de s'installer sur l'île de Malte. Carmento a participé au Benidorm Fest 2023 avec sa chanson Quiero e Duello, devenant l'une des finalistes grâce au soutien unanime du public. Grâce à cette chanson, elle a également obtenu 2 nominations aux MEN Awards. Carmento revient avec un nouvel album qui s'appelle La Serena, qui est sorti en février 2024 et dont est extrait Fangos, que l'on va écouter. Merci de votre fidélité, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. C'est rigolo. La Croisière Folk. C'est bon pour le moral. C'est bon ça. C'est bon pour le moral. Ah oui, c'est très bon. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. No tengo tiempo de andar pidiendo perdón por mis presencias y ausencias. El fuego eterno tira de mí y yo lo sujeto como a una fiera. Y eso ya el dogal en el cuello, sí, pero también deja temple. Y en el castillo del te quiero soy arena, sílice incandescente. Camino eternas odiseas de luchas internas por no formular la pregunta directa, como fue en su origen la daga que atravesó a mis ancestras. Que dejo un miedo repugnante a oler mal, chochear, joder, hacerse vieja. Si no hubiese sido buena, no habría brotado esta savia de mi guerra. Si picas a mi puerta, si picas a mi puerta, entre el ansiar que me quieran y luego repelerlo, tengo pa' una vida entera. Me posee la acción, mi hermanica Dego, nena, la coplera. Y yo la tengo cuidada y que la canto bajito y solo la miro a ella. De noche me pongo el disfraz, látigo de cierto pelo a la caza llena. No siempre me atrevo a expresar estas ganas que tengo a ser poseída. Por si alguno se me confunde, otro dice que no, y algún otro se me asusta. Y ando en territorio sin mapa, y aviso, esa frase no es mía. Si no hubieseis sido buenos, no tendría estas exigencias en mi lista. Si picas a mi puerta, vente con flores y cantos. No me traigas otros fangos, que bastante tengo con los míos. Que en este momento me pillas el corazón en vergeles. Si no gustas de estas mieles, crúzate para otra orilla.